بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 73 وكذلك 74 73 حديث et 74 حديث qui ont tous les deux le même thème. Ils ont le même thème. Donc on est ensemble dans le même chapitre qui est dans le chapitre Bab al-Imam. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجدوا فسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'imam n'a été mis que pour qu'il soit, afin de compléter par son biais, de faire les choses par son biais. Donc ne divergez pas avec lui. Si jamais il fait le takbir, alors faites le takbir. Si jamais il s'incline, alors inclinez-vous. Et s'il dit Sami Allah liman hamida, c'est-à-dire qu'Allah entend celui qui l'exauce ou celui qui le loue, alors dites Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange. Et s'il se prosterne, alors prosternez-vous. Et il s'est fait la salat en étant assis, alors asseyez-vous tous. Naam. Et dans l'autre hadith, qui est le 74e, An Aisha, radi Allahu anha, قالت صلى الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن أجلسوا أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Selon Aïcha رضي الله عنها, elle a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait la salat dans sa maison alors qu'il était malade. Et il a fait la salat en étant assis. Et des gens ont fait la salat derrière lui en étant debout. Alors il leur a indiqué, par un geste, de s'asseoir. Et lorsqu'il a fini la salat, il a dit que l'imam n'a été mis que pour qu'il soit suivi. Donc si jamais il s'incline, alors inclinez-vous. Et s'il se relève de son inclinaison, alors relevez-vous. Et si jamais il dit « Sami Allah liman hamida », alors dites « Rabbana wa lakal hamd ». Et s'il fait la salat en étant assis, alors fait la salat en étant assis. Tous. Donc, Cheikh Al-Faymin dit par rapport à ce hadith, en premier lieu, Riwayatan, les deux rapporteurs, le premier c'est Abu Huraira, et le deuxième c'est Aïcha. Yaqul Mourdou al-Hadithain, le sujet des deux hadiths. Bien al-Hikma min Jial al-Imam wa Kifiyat al-Timam bi. Que maintenant il montre justement la sagesse de la fonction de l'imam, de sa présence, et comment le suivre. Et comment le suivre. Yaqul. في شرح الإجمالي. Le sens global des deux hadiths. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من مشروعية كون الإمام إماما وذلك بأن يقتدى به ويتابع. Donc Abu Huraira nous informe que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé de la sagesse de la présence de l'imam, son côté légiféré. Que l'imam justement a été mis pourquoi ? Afin qu'il soit suivi. وبناء على هذه الحكمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يختلفوا عليه بالترك المتابعة فتضيع تلك الحكمة. Donc là, le Nabi صلى الله عليه وسلم, une fois justement se basant sur cette sagesse qu'il a démontrée, il a interdit à ceux qui sont présidents en salat de diverger avec l'imam en délaissant son suivi. Car cela amènerait à ce que cette sagesse soit perdue. فأمرهم أن يكبروا إذا كبر ويركعوا إذا ركع ويسجدوا إذا سجد من غير تقدم عليه ولا موافقة له ولا تأخير عنه كثيرا. Donc il leur a ordonné de faire le takbir lorsqu'il fait le takbir, c'est-à-dire juste après lui, qu'il s'incline une fois qu'il s'est incliné, qu'il se prosterne une fois qu'il s'est prosterné, sans le devancer, sans être synchronisé avec lui, c'est-à-dire le faire en même temps que lui, et sans également trop tarder derrière lui. بل أمرهم أن إذا صلى الإمام جالسا أن يصلوا جلوسا أجمعون. Il a même précisé que si jamais l'imam devait faire la salat en étant assis pour une raison, alors que les gens soient tous assis derrière lui. كل ذلك تحقيقا لكمال المتابعة وعدم الاختلاف عليه. Tout cela pour montrer justement le suivi complet et le délaissement total de la divergence avec lui. وتخبر عائشة رضي الله عنها بنحو ما أبر به أبو هريرة إلا أنها تبين سبب الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا من قدمه الذي انفك. Donc le Aïcha رضي الله عنها informe de la même chose que Abu Huraira, radiallahu anhu. Sauf qu'elle, elle a démontré la raison pour laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat en étant assis, qu'il était blessé au pied, en fait. فَجَاءَهُ قَوْمٌ فَصَلَّ بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ الْجُلُوسُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الْقِيَامِ. Donc des gens sont venus faire la salat derrière lui, alors qu'il était assis, et ils ont pensé qu'il ne leur était pas permis, eux, de s'asseoir, du fait qu'ils étaient en mesure de rester debout, car le fait d'être debout, c'est parmi les piliers de la salat. Donc ils se sont dit, on n'a pas le droit de s'asseoir, nous. فَأَشَرَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسُوا. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم leur a indiqué de s'asseoir. فَأَخْبَرَهُمْ بَعْدَ إِنْتِهَاءِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا جُعِلَ لِيُتَمَّ بِهِ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. Et ensuite, le Nabi صلى الله عليه وسلم leur a informé, une fois que la salat est terminée, il leur a informé que l'imam a été mis en place pour qu'il soit suivi. Puis il cita le reste du hadith. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من فوائد الحديث parmi les enseignements utiles du hadith بين أن الحكمة من جعل الإمام هي الاقتداء به ومتابعته. Donc ce hadith il montre que la sagesse d'avoir un imam c'est qu'il faut qu'il soit suivi et que l'on soit sur et on le suive non, tout simplement pour son suivi tout simplement car l'iqtida c'est le fait de prendre en exemple. ثانيا تحريم الاختلاف عليه ويكون بواحد من امور ثلاثه. Donc il est interdit de diverger avec lui et cela se passe en trois situations. ويسبقه او موافقته او تاخر تاخر عنه كثيرا. C'est-à-dire cette divergence avec l'imam sera dans trois cas, soit en le devançant, soit en étant synchronisé avec lui, c'est-à-dire en faisant en même temps que lui, ou soit en tardant trop derrière lui. ثالثا أن كمال الاتمام مبادرة المأمون بمتابعة إمامه من غير تأخر. Et que justement, le suivi complet, c'est de justement se hâter à suivre l'imam, sans tarder. رابعا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول بدلا منها ربنا لك الحمد. Que celui qui préside en salat, il ne dit pas سمع الله لمن حمده. Ça, c'est la parole de l'imam. Mais le présidé lui dit ربنا لك الحمد. Ô notre Seigneur, à toi la louange. خامسا أن المأموم يصلي جالسا. إذا كان إمامه يصلي أو إذا كان إمامه يصلي جالسا من أول الصلاة. Et que lui dit que le président salat fait la salat assis, si jamais l'imam fait la salat en étant assis depuis le début de la salat. Car la masala, il y a un khilaf. Certains de ulama disent que ce jugement a été abrogé. C'est-à-dire que maintenant, même si l'imam fait la salat assis, toi tu l'as fait debout. Et d'autres disent que cela est recommandé, car l'abrogation demande une preuve. Là, on n'a pas de preuve. Et là, il est possible de pouvoir joindre entre les textes. Car à la fin de sa vie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a fait la salat en étant assis, alors que les gens étaient debout. C'est-à-dire que les gens suivaient Abu Bakr Siddiq, et Abu Bakr Siddiq le suivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr Siddiq ne s'est pas assis. Il ne s'est pas assis. Donc ils ont dit, cela, ça prouve que c'était abrogé. Donc à la main, on dit non, ça n'a pas été abrogé. Certains disent que cela prouve que cela, plutôt, lorsque le Nabi Salam a donné l'ordre de le faire, cela était recommandable. D'accord ? Mais on se dit, si c'était recommandable, pourquoi est-ce que les Sahaba ne l'ont pas fait à ce moment-là ? Donc d'autres ulama, ils ont dit, en fait, la cause, c'est que le Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam, il est obligatoire de faire la salat assis derrière l'imam, s'il fait la salat assis, d'accord ? Depuis le début. Depuis le début. L'imam fait le takbir, il est assis, donc les gens doivent être assis derrière lui. Car dans le hadith de la salat avec Abu Bakr Siddiq, c'est qu'à la base, Abu Bakr Siddiq faisait la salat en tant qu'imam pour les gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu par la suite. Et a été posé aux côtés d'Abu Bakr Siddiq. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé la salat. C'est-à-dire qu'il a pris en cours. Et là, Abu Bakr Siddiq a laissé la niya, l'intention de notre imam, et s'est mis à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela s'est fait comment ? En cours de salat, pas depuis le début. Donc depuis en cours de salat, certains ulama disent que c'est recommandé, ou permis, ou autre aqwal. Mais l'obligation c'est quand ? Lorsque l'imam vient depuis le début en étant assis, comme dans le hadith de Abu Huraira. Lorsque les gens l'ont visité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat en étant assis, donc les gens sont assis avec lui. Car c'est depuis le début. À main en cours, cela n'est pas obligatoire. Voire même, il reste debout. Et l'abrogation d'elle-même demande la dalil. Non, en espérant que c'était compris par rapport à cela. Et ça, bien, septième faïda, enseignement utile, jawaz al-jama'a fi bayt l'il-udhr, qui est permis de faire une salat en jama'a, en groupe, dans la maison, c'est une excuse. Par exemple, tu rends visite à une personne qui est malade, et lors de la salat, elle vient. Il y a l'adhan. Ou alors, le calendrier t'indique que la salat, elle est proche. Il est permis à ce moment-là, aux visiteurs, de faire salat en jama'a, dans la maison du malade, avec lui. D'accord ? Il y a une excuse qui est à ce moment-là. Ils peuvent ne pas se rendre au masjid, faire la salat avec lui, dans sa maison, en groupe. هذا الذي أردنا في هذا الدرس والحمد لله رب العالمين.